Miami. Nous la terre qui paye à tan nous ban frère. Nous la forêt fine ferre. Tout l'univers, je envie, vine sa propriété. L'autre fin aller, l'autre fin vini. Je fin exploite, je fin donné. Un paradis finé, les enfants au pays. Zodi et n'a coulé à l'univers. Une des racines n'a pas de frère. Pour vin travail, nous la terre fin amène n'a pas de frère. Pour vin taille, nous pas de frère. Je fin amène tout qu'il tire. Je fin amène tout manière. Je fin en aussi nous la terre. Je fin donne l'île se rouler. Pas fini fait toi père, le paradis, oui, le fini construit. Nous histoires de fini qu'à remplir, j'ai coulé. Nous histoires de fini à lire remplir, j'ai langage. Nous histoires de écouter, oh, te l'équerre, sans même rappeler nous l'univers. Une déracine, une bonne frère, nous fini travail, nous la terre, fini amène une bonne frère. Yeah.